Le docteur Roubinoff, de Chaim Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Feuilleton en 5 épisodes. Une réalisation de Michel Sidorov. Deuxième épisode. Au cours de la Première Guerre mondiale, Kalman Scharfstein, un jeune juif ukrainien affecté dans l'armée du Tsar, s'est retrouvé au gré des circonstances à la tête d'un peloton de soldats antisémites. Au moment où le gouvernement bolchevique signait la paix de Brest-Litovsk, il a été victime d'une attaque de la part de ses propres hommes et envoyé dans un hôpital militaire de Petrograd. Le docteur Pavel Roubinoff, un chirurgien spécialiste de la main, est parvenu à sauver son bras de l'amputation. Il a alors demandé à Kalman de lui apprendre en cachette la langue sacrée hébraïque. Au bout d'une semaine, il connaissait les lettres et les voyelles. Et 15 jours après, il savait lire. On s'installait dans la petite pièce, il me pansait, et je lui expliquais comment prononcer les lettres et les voyelles. Je lui demandai un jour, « Est-ce que je suis le seul juif ici ?» À ma connaissance, le seul juif pratiquant. « Savez-vous que vous parlez la langue sacrée dans votre sommeil ?»« Les psaumes de ma mère, » pensais-je. Je lui demandai pourquoi il n'avait pas appris à lire plus tôt. Il n'y avait pas de raison. Ma famille était ruse dans l'âme. Mais je suis sûr aujourd'hui que je vais mourir pendant cette guerre, et je voudrais mourir avec certains mots dans mon cœur et sur mes lèvres. Ça ne sert plus à rien de se dérober. Quelques jours plus tard, il me dit « L'armée blanche de Yudenich était à Gatchina, à une trentaine de kilomètres d'ici. Il semblerait qu'ils ont des chars britanniques. » J'ai des difficultés pour vous obtenir des autorisations de voyage. Il règne partout une telle pagaille. Il serait vain de ma part de faire une nouvelle tentative aujourd'hui ou même demain. Maintenant, revenons sur ce passage plein de mots longs, s'il vous plaît. J'ai un peu de mal avec les voyelles. Quand je regagnai mon lit, le Cosaque se hissa sur les coudes, posa sur moi un regard foudroyant et dit d'une voix sifflante « Espèce de saliupin !» Quand les Blancs arriveront, je me ferai un plaisir de t'arracher le bras moi-même. » Il retomba sur son oreiller en haletant. Le lendemain, je dis au docteur, « Les blessés capables de marcher seront-ils évacués ?»« Je n'en sais rien, nous n'avons pas encore reçu d'ordre. Les Blancs vont tuer tous les Juifs. J'ai un patient qui m'a promis que vous aurez bientôt vos papiers. » Plusieurs jours s'écoulèrent. Le nom de Trotsky revenait fréquemment dans la salle d'hôpital. Il avait pris la tête du combat contre les Blancs. Quelques jours après, le docteur vint me voir pour me dire que l'armée blanche, vaincue, était en train de se replier. Pour Petrograd, il n'y avait donc plus de danger. Derrière les fenêtres de l'hôpital, la neige tombait drue. « Bientôt, » chuchota-t-il en me tapotant le bras, « nous vous laisserons partir. On vous renverra dans votre village. » Et là, vous recevrez une autre affectation. Un nouveau commencement pour vous. Venez me voir dans l'après-midi pour que je puisse jeter un dernier coup d'œil à votre bras. Et ensuite, vous me ferez lire un peu. Le lendemain, quelqu'un vint me réveiller en pleine nuit. C'était Gélia. Habillez-vous vite. Ne faites pas de bruit. Je vais vous aider. Je traversai avec elle la salle plongée dans une semi-obscurité et passai devant les surveillants. À l'entrée de l'hôpital, Gélia montra au gardien un papier muni d'une signature et nous sortîmes par la grande porte. Elle me remit un paquet renfermant des papiers. « Avec ça, vous pourrez rentrer chez vous. »« Merci. »« Je suis ukrainienne. Les juifs de mon village étaient nos amis, » remarqua-t-elle. Puis elle se hâta de rentrer dans l'hôpital. Une carriole attendait dans la rue. Le conducteur me fit signe de monter et nous partîmes par les rues enneigées. Des silhouettes sombres glissaient entre les maisons silencieuses. La carriole grinçait, mais la neige étouffait le bruit de ses roues et des sabots du cheval. Des hommes armés, soudain surgis des ténèbres, montaient sur des chevaux ou entassés dans des voitures et des camions, nous dépassèrent à fond de train pour se dissoudre à nouveau dans la nuit. La gare, mal éclairée, grouillait de soldats. Le charretier attacha le cheval à un poteau et me prit par le bras, son long fouet jeté par-dessus son épaule. C'était un petit homme, avec une barbe noire et un nez cassé. En entrant dans la gare, il me dit de montrer mes papiers à un garde. Celui-ci les examina soigneusement, puis porta la main à sa casquette et me les rendit. Écartant la foule, le charretier me conduisit jusqu'à un quai envahi de militaires et de civils. Cette fois, il me dit de montrer mes papiers à un employé des chemins de fer, ainsi qu'à d'autres gardes. Puis il me poussa à l'intérieur d'un wagon plein à craquer. Ensuite, il souleva sa casquette, s'inclina légèrement, recula d'un pas et disparut dans la cohue. Peu après l'aube, le train s'arrêta dans une ville voisine de mon village, où je descendis. Je demandai à un charretier qui se trouvait là s'il pouvait me conduire au village voisin. Mais il me regarda d'un air intrigué, leva les yeux au ciel et cracha dans la neige sale. Il avait une barbe grise embroussaillée et portait une longue houppelande, une toque de fourrure et des bottes. Les larmes que lui arrachait le vent glacial faisaient luire ses yeux noirs. « Pourquoi voulez-vous aller là-bas ? » me demanda-t-il. « C'est mon village natal. » Il me considéra d'un œil soupçonneux. « Vous êtes le fils de qui ?»« Je suis Kalman, le fils de Levi Yitzchok Scharfstein. » »« Je ne le connais pas. » »« C'est le charpentier du village. » »« Il y a longtemps que vous êtes parti ?»« 3 ans. » Il rentra les épaules, scruta le ciel, puis regarda un long moment le cheval et la charrette. De petites stalactites pendaient à sa barbe. Je frissonnais dans mon paletot. « Entendu, dit-il. Montez, mais payez-moi d'abord. » Je grimpai dans la carriole. Il toucha le cheval de son fouet. L'animal se réveilla avec un petit sursaut, remua les oreilles et se mit en marche. Nous avancions en silence dans le jour d'hiver brumeux. Les champs des paysans étaient gelés et la glace recouvrait l'étang au bord duquel les femmes lavaient leur linge autrefois et où gisait maintenant le cadavre d'un cheval en partie enseveli sous la neige. L'extrémité déchiquetée d'une poutre calcinée pointait hors de la neige. Un bout de corde blanche et frangée, la lanière d'une paire de phylactères, des fragments de livres, des morceaux de clôture, une chaise, un mur, une cheminée, un poêle en brique. Je descendis de la charrette et restai debout immobile sur la route. Le vent était féroce. J'étais là, dans le néant de mon passé. Je tremblais et frissonnais. N'était-ce pas le rabbin qui s'avançait vers moi, monté sur un cheval doré du Karabakh, suivi d'un cortège de juifs, dont mon père, tous sur de splendides montures, et des paysans sur le bord de la route, leurs chapeaux à la main, avec le prêtre du village qui murmurait des paroles de bienvenue, et le rabbin qui levait les bras vers le ciel bleu, tandis qu'une douce chanson descendait sur le village en l'enveloppant tendrement. « Ils ont aussi saccagé les cimetières, » dit le charretier assis sur son siège. Le cortège s'évanouit. Je sentis dans mon cœur une pesante détresse et une flambée de rage. Dans mon bras gauche, une décharge électrique soudaine et terrible. Je serrai et desserrai les poings jusqu'à ce que les tremblements cessent. Comme des Tatars, poursuivit le charretier, ils ont brisé toutes les pierres tombales, comme des fous, comme s'ils étaient possédés du démon. Des gens de la ville sont venus et ont creusé une grande fosse pour enterrer les habitants du village, tous ensemble. Ils ont tous été tués. Tous. Que la malédiction retombe sur leur tête. Tous morts. Voulez-vous aller voir la fosse ? Demanda le charretier que le vent faisait frissonner. Il me conduisit jusqu'à un tertre bas et recouvert de neige, non loin de la forêt. Les grands arbres courbés et silencieux se recroquevillaient sous la neige et la glace. Debout, au bord de la fosse, je récitais à voix basse l'un des psaumes de ma mère et le kaddish, puis remontais dans la carriole. « Une vilaine affaire, » marmonna le charretier. « Ramenez-moi en ville, au quartier général de l'armée rouge. » Nous rentrâmes en silence. Il me déposa devant un édifice blanc et sale avec des volets verts. Je l'avais déjà payé, mais je lui donnais un petit supplément. Dans le vaste hall d'entrée, un soldat de l'armée rouge était assis derrière une vieille table en bois foncé. Il examina attentivement mes documents, se leva, me salua et me montra une porte. Dans le bureau, un commandant de compagnie prit mes papiers et me pria de m'asseoir. Il sortit pour revenir peu après, accompagné d'un homme de grande taille, portant un blouson de cuir, des bottes et une casquette. Le commandant repartit en fermant la porte derrière lui. L'autre s'approcha de moi, mes papiers à la main. Ses doigts rugueux étaient sales et le dos de ses mains gercé. Il avait des cheveux noirs, des yeux bruns et une longue figure étroite. Ses bottes craquaient dans le silence de la pièce. « Comment les avez-vous obtenus ? » demanda-t-il en me montrant les papiers. En même temps que ces papiers, le docteur Roubinov m'avait donné un conseil. Ne pas répondre si jamais on me posait cette question. Par conséquent, je me tus. Nous attendîmes dans le silence qui planait entre nous deux. Il éleva de nouveau les papiers qu'il tenait dans ses longs doigts maigres, les retourna en tous sens et les examina avec soin. Puis, lentement, il relut la lettre qui les accompagnait. Le livret militaire, la décharge de l'hôpital, l'autorisation de voyage, le carnet de santé, le laissez-passer, la lettre avec la signature. Il tapota le paquet contre la paume de sa main gauche et me le rendit. Je le remis dans mon havresac. Vous devriez vous reposer un peu. Nous partons demain. Nous allons botter le cul des Polonais, puis revenir ici pour en finir avec les Blancs. Les Polonais ? Attendez ici. On va vous trouver un endroit pour dormir. Il sortit de la pièce. Ses bottes craquaient. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une église avec des Cosaques de la région de Kouban, des garablés et braillards, passés depuis peu seulement dans le camp des bolcheviks. Ils se faisaient mutuellement la barbe, tout en parlant de leurs chevaux et du dernier engagement qu'ils avaient livré, au cours duquel 5 de leurs camarades étaient tombés, ainsi que des femmes de la ville, qui leur avaient donné du plaisir. Ils m'invitèrent à partager leur soupe de rave et leur ragoût de porc. Tous les bancs de l'église avaient été débités pour faire du feu. Mais à côté de l'autel se dressait, intacte, une grande statue du Christ en bois peint, les bras levés comme dans un geste de supplication, son visage hagard, empreint d'une infinie tristesse. Le lendemain matin, un Cosaque me réveilla en me picotant avec un bâton. Dans la lumière froide de l'aube hivernale, le chef de brigade me demanda si j'étais capable de monter à cheval malgré l'état de mon bras. Je le dégageai de l'écharpe qui le maintenait, le sentis légèrement frémir et répondis par l'affirmative. Il me donna une monture, tout juste guérie d'une blessure près du museau qu'un obus lui avait faite quelques semaines auparavant, et il me nomma chef de troupe. Je me mis en marche vers l'ouest avec l'armée rouge. Personne parmi ceux que j'interrogeais ne paraissait savoir pourquoi nous allions attaquer les Polonais à l'ouest quand les contre-révolutionnaires blancs se trouvaient au sud. Vers la fin de mars, nous arrivâmes à Moguiliev et peu après à Minsk. Il ne s'agissait pas véritablement d'une guerre, mais plutôt d'une suite d'escarmouches. Au sud s'étendaient d'immenses marécages et en dessous il y avait 2 autres armées bolcheviques. Cela faisait en tout 5 armées bolcheviques qui marchaient sur la Pologne, tandis que les Blancs se repliaient vers le centre de la Russie. Un jour, que je demandais au chef de brigade ce que nous faisions, il me dit « Puisque vous me posez la question, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que nous allons prendre Varsovie, faire notre liaison avec le camarade Le Grélet et donner aux Allemands et aux Français de quoi leur faire perdre le sommeil. Je ne comprenais rien à tout ça, et j'ignorais qui était le camarade, le Grêlé. Nous avancions parmi des champs inondés, des forêts détrempées, et les ruines gorgées d'eau de villes et de villages. C'était l'époque du dégel de printemps, et dans l'air adouci montaient des odeurs de glaise humide, d'orage soudain, de fumier animal, de cadavres humains. Partout des arbres déchiquetés, des cratères de terre, des ossements d'hommes et de chevaux. Au cours de notre avance vers l'ouest, nous fîmes halte quelque temps et fûmes l'objet d'une attaque violente et inattendue de la part des Polonais, qui nous obligea à nous replier et leur permit de s'emparer de Kiev. Qui aurait jamais pensé que les Polonais étaient capables de se battre avec l'intelligence et la froide cruauté des Allemands? Peu après, nous reprîmes l'offensive et parvînmes jusqu'aux abords de Varsovie. Mais nos armées du Sud rencontraient des revers. Le chef de brigade maugréait en parlant de la tactique stupide du camarade Le Grêlé. Et les Polonais nous portèrent à nouveau un coup très rude, cette fois sur notre flanc gauche, laissé sans protection. Et de nouveau, nous dûmes faire retraite. À la fin du mois d'août, l'une de nos armées était totalement anéantie et les quatre autres en déroute. En septembre, la guerre contre les Polonais prit fin. Et on nous annonça que nous allions descendre vers le sud pour en finir avec les Blancs de Crimée. Le lendemain matin, le commandant arriva, l'air sérieux et préoccupé. « Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Vous allez être réaffecté dans une unité spéciale. Nous pensons que vous pourrez nous être utile. » Je ne répondis pas. « Vous êtes d'accord ?» Je fis oui de la tête. Une semaine environ après la fin de la guerre civile, je montais dans un train pour Moscou. Un portail, un poste de garde, une cour, un vaste édifice en pierre, de longs corridors violemment éclairés, un bureau, un homme en uniforme, chauve et trapu, qui avait rang de commandant, assis à une table, un dossier ouvert devant lui. Ce nom ne me plaît pas. Il ne me plaît pas du tout. Quel effet produira-t-il chez nos paysans? Ou si jamais vous deviez rencontrer des diplomates étrangers? Des diplomates, pensais-je stupéfait. On va mettre à la place Léonid Chertov. Dans votre dossier, il est fait mention d'une lettre. L'avez-vous sur vous? Oui. Montrez-la-moi. Bien. Nous l'ajouterons au dossier. Vous avez de remarquables états de service, camarade lieutenant Chertov. Je vais vous dire ce que nous envisageons pour vous. Il se pencha, posa les coudes sur la table, joignit le bout de ses doigts et m'expliqua ce qu'on envisageait pour moi. Je l'écoutais, hochais la tête, puis je me levais et le saluai. Il me rendit mon salut en disant en yiddish « Partez en bonne santé et revenez en bonne santé ». Je fis de mon mieux pour cacher ma surprise. Le lendemain matin, je montais dans un train de l'armée rouge plein à craquer. La locomotive à charbon était alimentée avec du bois, ce qui allait à coup sûr l'abîmer définitivement. Cette fois, j'avais une place assise. Le train roulait à travers un paysage enveloppé de blanc. Des forêts et des champs gelés, des rivières et des lacs gelés, des hameaux et des villages gelés. Je commandais une section spéciale, une unité de ravitaillement avec un quota à remplir et le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'atteindre. Nous devions réquisitionner des céréales auprès des paysans afin de nourrir les ouvriers des villes, affamés, sans qui nos usines ne pourraient continuer à fonctionner. Un jour, mon sergent va me trouver en disant « En voilà encore un pour vous. Celui-là, il ne veut rien entendre. » Je vis arriver un vieillard qui rentrait la tête dans les épaules, comme s'il s'attendait à être battu. « La révolution a besoin de ta récolte, dis-je. Où la caches-tu ? » « La révolution n'a qu'à aller se noyer dans sa merde » répondit-il d'une voix cassée. Le sergent, qui était lui-même un ancien paysan ukrainien, s'apprêtait à le frapper, mais je l'arrêtai. « Une dernière fois, grand-père, dis-moi où tu l'as caché. » « La révolution est un mensonge et une escroquerie !» lança le vieux d'un air farouche. « Les mauvaises récoltes sont le fait de Dieu. La faim est le fait des hommes. Les Youpins ont pris le pouvoir et sont en train de ruiner le pays. Tu nous fais perdre notre temps, dis-je. Sergent, allez voir s'il a un petit-fils et amenez-le-moi. » Le sergent sortit. Je restais dans l'atelier avec le paysan et trois de mes hommes. C'était une chaude journée d'été. Le vieux sentait la peur et la transpiration. « Tu es vieux, je ne veux pas te frapper, dis-je. » Il roula des yeux, puis il me lança un regard aigu et commença à m'injurier en postillonnant abondamment. Au bout d'un bon moment, quand il en eut assez, il me dit « Fusillez-moi, qu'attendez-vous? Je préfère mourir d'une balle que mourir de faim. Fusillez-moi, fusillez-moi !» Mais à cet instant, le sergent revint en compagnie d'un garçon aux cheveux filasses qui courut vers le vieux, terrorisé. Son grand-père le prit contre lui et, baissant les yeux, il nous dit ce que nous voulions savoir. À la suite de quoi, il ne nous resta plus qu'à creuser le sol de l'atelier pour récupérer les sacs de blé, puis à nous en aller sous les insultes. Le sergent voulait le tuer avant de partir, mais je le lui défendis. À Moscou, on m'attribua un petit studio au rez-de-chaussée d'un immeuble de 9 étages. Je me rendis chez le commandant. Il paraissait avoir grossi. Il m'annonça qu'il avait lu mon rapport de mission, ainsi que plusieurs comptes rendus faits par d'autres personnes. Il me dit avec un mince sourire que j'avais accompli un travail magnifique et que j'étais prêt désormais pour la tâche qu'on allait me confier. Il m'accorda une semaine de permission. Et ensuite, je devais me présenter devant un certain colonel Razumkov. C'était un homme grand, brun, d'aspect rébarbatif et à la voix nasale. Il me posa des questions sur mon village, mes parents, mon éducation, mes années dans les régiments du Tsar et dans l'armée rouge, et même sur mon séjour à l'hôpital militaire de Petrograd, ainsi que sur le médecin qui avait sauvé mon bras, le docteur Roubinov. Un médecin m'examina et me déclara en bonne santé. « Celui qui a soigné votre bras a fait un excellent travail, » dit-il, en ajoutant qu'on aurait l'ensemble des résultats des examens médicaux dans quelques jours. Une semaine plus tard, le colonel Razumkov m'informa qu'on allait m'envoyer dans une école. « Il faudra que vous soyez inscrit au parti. Nous allons nous en occuper. Pour être franc, je dois vous dire que vous avez fait preuve de faiblesse et de sentimentalité bourgeoise en interdisant à votre sergent d'abattre ce vieux menteur de paysan. Mais vous êtes encore jeune. Vous apprendrez. Nous allons tout vous apprendre. » C'était le docteur Roubinov de Chaïm Potok. Traduction, Martine Leroy-Battistelli. Deuxième épisode. Avec Nicolas Struve, Léon Chertoff. Découpage, Katel Guillou. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts, Emmanuel Armingue. Assistante à la réalisation, Julie Briand. Réalisation, Michel Sidorov.